Vie de Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, par Monsieur de Villefort. Publié par Monsieur l'Abbé Migne, markemdanarchive.org, d'après le PDF de l'abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Livre premier. Sainte Thérèse naquit en l'année 1515, le 28 de mars, dans une ville épiscopale de la vieille Castille nommée Avila, que les auteurs du pays estiment une des plus considérables de l'Espagne. Ils en louent la pureté de l'air, la salubrité des eaux, la fertilité du terroir, et la situation des maisons, bâties sur le penchant d'une colline, d'où l'on découvre une vue agréable. Ils font aussi l'éloge de la piété des habitants, et surtout du courage et de la générosité des femmes. Les parents de la sainte y vivaient avec toute la distinction que méritaient leurs vertus et leur naissance. Son père était un gentilhomme qui soutenait honorablement l'éclat de sa condition, et s'appelait Alphonse de Cepède. Quoiqu'il parût dans le monde et dans les compagnies autant que les affaires et les bienséances l'y obligeaient, il aimait naturellement la solitude et la lecture, et consacrait la meilleure partie de son temps à la retraite et à la prière. Il eut un grand nombre d'enfants, 3 de sa première femme, et 9 de la seconde, et les affectionna tous, mais il eut pour Thérèse une prédilection particulière, elle était la 3e du second lit, et sa mère s'appelait Béatrix d'Ahumade. Cette dame n'eut que 2 filles, dont Thérèse était l'aînée, et les 7 garçons, à la réserve d'un seul, s'engagèrent tous dans la profession des armes, où ils se distinguèrent par leur valeur et par leur fidélité à tous les devoirs. Le nom que notre sainte reçut au baptême signifie, dit-on, un feu ou un prodige, dans sa langue originale, et un poète a même rapporté que les païens donnaient ce nom à Bellone pour exprimer sa force. Mais quoi qu'il en soit, le courage de Thérèse fut encore mieux exprimé dans ses actions que dans son nom. Dès sa tendre jeunesse on remarqua l'élévation de ses sentiments. À peine sa raison était-elle développée, qu'elle forma des projets et des entreprises. Elle ne connut pas plutôt les mystères de la foi, qu'elle les goûta, et crut que ce n'était point assez aimer Jésus-Christ, que de ne lui pas sacrifier sa vie. Entre tous ses frères il y en avait un nommé Rodrigue, que les convenances de l'âge et de l'humeur lui rendaient plus cher que les autres. Elle se séparait avec lui pour faire ensemble de pieuses lectures, et pour admirer les exemples des premiers chrétiens. Leur jeune cœur s'enflammait de telle sorte au récit des souffrances et des victoires de tant de martyrs, que l'envie de marcher sur leurs traces croissait en eux de jour en jour. Ils trouvaient même que les saints avaient acheté le ciel à bon marché, l'idée d'une éternité les frappait d'étonnement, et ils s'écriaient, quoi toujours, toujours ils verront Dieu, quoi jamais, jamais les damnés ne le verront. Et sur ces paroles il faisait des réflexions aussi solides qu'auraient pu faire des personnes accoutumées à s'occuper depuis longtemps des vérités éternelles. Après avoir bien conféré tous deux sur la meilleure manière de servir Dieu, un jour dans les transports de leur ferveur, ils prirent la résolution de s'échapper de la maison paternelle pour aller chez les morts, en demandant l'aumône. S'offrir à la persécution de ces barbares, et donner leur vie pour le nom de Jésus-Christ. Ils se préparèrent du mieux qu'ils purent à l'exécution de ce dessein, et amassèrent pour leur voyage autant de petites provisions que leur faiblesse leur put permettre d'en emporter, s'abandonnant pour les suites à tout ce qu'il plairait à la Providence divine d'en ordonner. Thérèse avait 7 ans quand elle se mit ainsi en chemin avec son frère. Ils sortirent de la ville par la porte d'Adaja, qui est le nom de la rivière, et marchaient tous deux délibérément. Lorsqu'un de leurs oncles les rencontra sur le pont, il leur demanda où ils allaient dans cet équipage, et ils lui répondirent sans façon qu'ils allaient se faire martyriser chez les morts, et que rien ne leur paraissait égal au bonheur de mourir pour Jésus-Christ. Leur oncle les ramena au logis, où leur mère était dans la désolation et dans les alarmes. Elle les reprit fortement de leur sortie. Rodrigue rejeta la faute sur sa sœur, et dit que c'était elle qui l'avait pressé de faire ce voyage et de se mettre en chemin avec elle. Thérèse, affligée du peu de succès de son entreprise, ne changea pas pour cela de sentiment et continua de vivre séparée du commerce du monde. Les bagatelles de l'enfance ne la touchaient point, et faisant toutes ces délices des entretiens qu'elle avait avec son frère sur la béatitude éternelle, pour se consoler de n'avoir pu souffrir le martyre, ils bâtissaient ensemble dans le jardin de petits ermitages où ils se retiraient comme dans des demeures fort solides, sans être rebutés par les insultes des vents et des orages, qui ne respectaient pas toujours leurs édifices. Si Thérèse admettait à ses innocentes occupations d'autres personnes, c'était à condition que ses compagnes représenteraient dans leur jeu la vie qu'on mène dans les monastères de religieuses. Quoiqu'alors elle n'eût pas beaucoup d'envie de s'y renfermer, elle était, dans ses premiers temps, très exacte à remplir les devoirs de piété qu'elle s'était prescrits, elle faisait de longues prières, et compatissait beaucoup aux misères des pauvres, qu'elle assistait autant qu'une personne de son âge en peut avoir les moyens et les occasions. Son père, pour l'entretenir dans les bonnes dispositions où il la voyait, lui faisait lire toutes sortes de bons livres. Elle recevait aussi d'excellents avis de sa mère, qui lui inspira une fervente dévotion à la Sainte Vierge, dont elle a, dit-elle, toujours été secourue, et qui ne lui a jamais manqué. Elle dit que sa mère était très belle, mais nullement occupée de sa beauté, et que, dans l'état de langueur où elle passa presque toute sa vie, elle porta patiemment ses infirmités. Sa santé se ruina enfin peu à peu, et elle mourut âgée seulement de 37 ans. Thérèse en fut extrêmement affligée, et dans l'excès de sa douleur elle fut selon sa coutume, se jeter aux pieds de la Mère de Dieu, qu'elle pria d'être la sienne désormais, et de la dédommager de sa perte. C'en était une à la vérité très considérable pour Thérèse, que sa mère avait élevée avec beaucoup de soin. Cependant, quoique cette dame eût une piété très éclairée, sa tendresse excessive pour ses enfants l'avait rendue trop indulgente en beaucoup de petites choses qui ne laissaient pas d'être importantes pour leur éducation. Comme elle était habituellement très infirme, surtout quelques années avant sa mort, pour donner à ses maux quelques distractions agréables, elle se permettait la lecture de ces romans dont l'Espagne a produit un si grand nombre. Ses filles, qui se crurent autorisées par son exemple, s'y attachèrent aussi bien qu'elle, et ses livres firent sur Thérèse de fortes impressions qui furent l'origine des affaiblissements de sa vertu. Elle déplore dans sa vie ce peu d'application des pères et des mères, qui, pendant que leurs enfants sont encore jeunes, ont pour eux des condescendances indiscrètes, qui deviennent la source de leur malice, et les plus grands obstacles à leur salut éternel. Thérèse n'avait que 12 ans quand sa mère mourut, et néanmoins ces dangereux livres avaient déjà surpris son cœur. Peut-être que dans une personne d'un esprit moins avancé, ils n'auraient pas fait de si bonheur leur progrès funeste, mais il y a dans les génies du premier ordre une pénétration curieuse qui les met quelquefois plus en péril que les autres. Cependant, quelque soin qu'elle ait pris d'exagérer ses infidélités, le vice ne donna jamais d'atteinte mortelle à son innocence, et tout se réduisit à des transgressions et à des légèretés qu'il ne faut nullement dissimuler, mais aussi qui ne doivent plus être empoisonnées. Du caractère dont elle était, les joies mondaines purent bien amollir son âme, mais n'en bannirent jamais tout à fait l'amour de Dieu. Voici comme les auteurs contemporains l'ont dépeinte. Thérèse avait l'esprit juste, étendue, susceptible des plus belles connaissances, un génie propre au grand dessein, l'âme noble et supérieure aux événements, un jugement solide et incapable de se laisser prévenir. ou de se fier témérairement à ses lumières, un cœur fidèle, généreux, sensible au mérite, à l'amitié, à la justice, au devoir, une humeur égale et flexible, tout plaisait en elle, la conversation, les manières, la politesse, la modestie, la droiture, et toutes ces qualités assaisonnées des grâces extérieures de sa personne, faisaient le plus agréable assortiment du monde, et rendaient son commerce délicieux. Aussi l'on eut toujours beaucoup d'empressement pour faire quelques liaisons avec elle. Cependant, comme son père aimait peu le monde, il n'attirait guère de visites chez lui, et craignait d'ailleurs que le tumulte des compagnies n'introduisît dans sa famille une dissipation qui détournait ses enfants des exercices où il les voulait assujettir, pour les former à la pratique des vertus chrétiennes. Il ne put néanmoins éviter de recevoir quelques parents proches, du même âge que Thérèse. Il y avait entre autres une cousine, dont l'esprit badin et les galantes manières lui plaisaient fort. Cette fille avait beaucoup de penchant pour toutes sortes d'amusements profanes. Elle lisait avec apprêté les aventures de chevalerie, et après s'en être bien rempli la tête, elle venait s'en réjouir avec Thérèse, qui prenait beaucoup de plaisir à les entendre, et lui racontait aussi ses lectures, où elles faisaient toutes deux des réflexions frivoles et peu édifiantes pour les mœurs. Quelques cousins germains furent ennemis à ces conversations trop enjouées, chacun lui parlait de ses petits desseins, dont Thérèse était fort curieuse de leur faire conter l'histoire pour en apprendre les suites. Après des entretiens de cette nature, il n'est pas surprenant que son cœur n'eût plus de goût pour les vérités célestes. Dès qu'elle était seule, elle se replongeait dans ses lectures, où elle employait la plus grande partie des jours et des nuits, et recommençait ensuite à s'en entretenir, plus touchée que jamais de ses illusions, et toute disposée à en écouter de nouvelles. Sa dangereuse parente était attentive à la faire entrer dans ses galanteries, dont elle lui rendait un compte exact, et Thérèse, par une reconnaissance assez mal entendue, lui découvrait tout ce qui se passait dans son cœur. Cette mutuelle confidence fut pernicieuse à notre sainte. L'officieuse cousine lui fit connaître quelques personnes propres à lui plaire, elle s'accoutuma peu à peu à les voir et à les souffrir, et bientôt ensuite à les croire et à les souhaiter, avec d'autant moins de scrupules que c'était, disait-on, dans la vue d'un établissement honnête et convenable à sa condition. À la naissance de ces nouveaux sentiments, toutes les lumières de la grâce s'éclipsèrent, et les restes de sa ferveur s'éteignirent au même instant. Elle commença dès lors à prendre un soin particulier de sa personne, surtout de sa coiffure et de ses mains. Elle étudia son langage, sa contenance, sa démarche, tout cela lui parut des objets dignes d'une grande application. En un mot, la parure lui devint une occupation sérieuse, et elle ne tarda pas longtemps à être assez habile pour donner des leçons aux autres, car elle eut toujours, durant ces déplorables années, beaucoup de talent pour réussir dans les vanités et dans les curiosités mondaines. Un tel changement ne put être ignoré de son père. L'aversion qu'il témoignait toujours pour les lectures profanes avait engagé Thérèse à lui cacher soigneusement cette inclination déréglée qu'il avait sans cesse combattue dans sa femme, et qu'il n'aurait eu garde de souffrir dans ses enfants, s'il en avait eu connaissance. Ainsi elle vécut de la sorte pendant 3 ans sans qu'il s'aperçût du danger de ses conversations, ni même de son ajustement recherché. Elle avait si bien pris ses précautions pour s'assurer de la discrétion des femmes de chambre, que leur propre intérêt les empêchait de rien découvrir de ces dérèglements à son père, qui ne les connut que fort tard. Enfin, la dissipation de sa fille le frappa comme les autres, il en voulut savoir l'origine, et ne l'eut pas plutôt apprise, qu'il résolut d'y mettre ordre. Il observa néanmoins des ménagements, et pour ne rien faire avec un éclat qui sans doute eut beaucoup mortifié Thérèse, il attendit la conclusion du mariage de sa sœur aînée, et se servit de ce prétexte pour faire rentrer sa seconde fille dans un couvent, où, depuis la mort de sa mère et le départ de sa sœur, il lui convenait mieux d'être élevé que dans la maison paternelle. Cette séparation fut pénible à Thérèse, mais ne le fut pas tant qu'on pourrait penser. Elle avait alors 15 ans. Comme il y avait eu dans sa conduite moins de malice que de facilité d'humeur, elle ne souffrit pas beaucoup à s'éloigner de sa compagnie. De plus, l'attention qu'elle avait à ménager les dehors, et sa délicatesse sur l'honneur, lui firent comprendre que, puisqu'on en venait avec elle à une précaution si sévère, il fallait qu'elle l'eût bien méritée, et qu'elle se fût exposée au danger de perdre l'estime des gens sages, et cette réflexion la consolait un peu d'être dans le cloître. Elle déteste dans sa vie les illusions de cette fausse gloire qui l'avait rendue si sensible au jugement des hommes, tandis qu'elle était si peu touchée de l'état où la tenait devant Dieu les infidélités de son cœur. Le couvent d'Avila, où elle fut mise, s'appelait Notre-Dame de Grâce. C'était une retraite honnête, et remplie d'un assez grand nombre de religieuses qui prenaient soin d'y élever beaucoup de jeunes filles qualifiées que leurs parents avaient commises à leurs soins. Thérèse, qui n'y entra que par obéissance, s'y ennuya d'abord. Elle y passa les 8 premiers jours assez, tristement, plutôt par le soupçon de s'être déshonorée dans le monde, que par le chagrin d'être en religion, car alors elle ne pouvait, dit-elle, souffrir le mépris, et sentait un plaisir secret à se voir estimée. La maîtresse des pensionnaires s'aperçut de ses inquiétudes, c'était une fille de beaucoup d'esprit, que Thérèse goûta bientôt, et ne sachant à qui s'adresser pour se soulager dans son ennui, elle s'ouvrit volontiers à cette religieuse, qui sut profiter de la conjoncture pour lui représenter ce qu'il y a de faux et de funeste dans les joies profanes, et combien il est amer à une âme d'avoir abandonné Dieu. Elle était surtout vivement frappée de ses paroles, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, que cette religieuse lui répétait souvent. Ses entretiens différents de ceux qu'elle avait quittés, rappelèrent souvent le souvenir des douces impressions que la grâce faisait sur son cœur, avant que l'amour du monde les eût effacées. Elle se trouva partagée par des sentiments contraires qui causaient dans son âme de violents combats, car du côté du monde il lui venait furtivement certains messages qui retardaient beaucoup les progrès que la religieuse voulait faire, mais, dès qu'on le sut, on y mit obstacle si prudemment, que toutes les avenues furent dorénavant bien gardées. La petite intelligence qu'elle avait conservée dans le monde, était avec une personne dont l'alliance lui convenait en toute manière, et elle ne l'eût pas entretenue autrement, car quoiqu'elle fût devenue très sensible au plaisir des conversations amusantes, elle avait toujours une extrême horreur de tout ce qui pouvait être interprété à son désavantage. Thérèse n'ayant plus rien qui la détournât des voies du salut, sentit sa ferveur se rallumer jusque là même que l'état de la vie religieuse qu'elle n'avait auparavant jamais goûtée, lui parut pour elle le plus souhaitable et le plus sûr. Elle commença donc d'y penser, mais ses pensées la quittaient et la reprenaient. Tantôt elle délibérait si elle serait ou religieuse ou mariée, tantôt elle ne voulait être ni l'un ni l'autre. Enfin la régularité de ses filles venant peu à peu à la toucher, elle se recommanda à leurs prières, elle devint plus tranquille, et parut moins s'ennuyer, et l'on vit bientôt renaître les agréments et la sérénité de son humeur. Il n'y eut point de religieuse dans ce couvent qui ne la trouvât fort à son gré, et qui, lui témoignant tous les empressements d'une amitié tendre, ne tâcha de lui rendre agréable le séjour de leur maison. Mais, plus ce qu'elles offraient de flatteurs à Thérèse l'ébranlait et la détachait du monde, plus elle sentait de violence à la seule idée d'un engagement. Ces irrésolutions fatiguèrent longtemps son esprit, et lui causèrent des agitations si vives, qu'elle tomba dans une maladie fort considérable, qui contraignit son père de la retirer au bout d'un an et demi, et de la reprendre chez lui, où elle demeura quelque temps très languissante. Il crut que sa santé se rétablirait encore mieux à la campagne, et résolut de la mener chez sa fille nouvellement mariée, pour qui Thérèse conservait toujours une parfaite amitié. Ils s'arrêtèrent sur la route chez Dom Sanchez de Cépède, frère de Dom Alphonse, et oncle de notre sainte. Dom Sanchez retint le père et la fille, et ne les voulut pas laisser aller plus loin. Ce gentilhomme était veuf, et s'était retiré dans une de ses terres, où l'amour de la solitude et le désir de son salut lui faisaient trouver mille douceurs. Les saintes lectures, les délices de la prière, 41 les innocents travaux de la vie champêtre partageaient son temps. Dom Alphonse, se voyant obligé pour ses affaires de s'en retourner à Avila, laissa sa fille avec son oncle, qui promit d'en prendre autant de soins que si elle eût été la sienne. C'était un homme fort attaché à la régularité de ses pratiques, et, bien loin que l'indisposition de sa nièce lui fût une occasion d'en interrompre le cours, il lui proposa de s'associer elle-même à ses œuvres de piété. Thérèse, qui n'était guère en état de s'assujettir à ce genre de vie, ne s'y plaisait pas beaucoup. Elle ne voulut pas néanmoins refuser son oncle, et lui cacha aisément ses incommodités, car sa complaisance a toujours surmonté ses répugnances les plus fortes. Enfin, peu à peu elle se rétablit, et trouvait une satisfaction particulière à lire les livres que son oncle lui mettait entre les mains. Elle en lut quelques-uns sur la vie spirituelle, qui lui donnèrent beaucoup d'attrait pour marcher dans les voies de la perfection évangélique, et qui furent les premiers moyens dont Dieu se servit pour l'élever à cette sublime contemplation où elle arriva dans la suite. Comme l'envie de se faire religieuse commençait à se former tout à fait en elle quand elle quitta Notre-Dame de Grâce, à force de se nourrir de la vérité, son cœur s'affermissait de plus en plus dans la résolution de quitter le monde, et quand le moment de faire ce divorce se présentait à son esprit, elle ne se trouvait plus si agitée qu'elle l'avait été dans la maison d'où elle était sortie. Cependant elle ne se déterminait pas entièrement, elle fut 3 mois à combattre, et l'état de la vie religieuse qui lui paraissait le meilleur, n'était point encore de son goût. « Je me représentais, dit-elle, que les peines de la religion ne pouvaient être tout au plus que comme les peines du purgatoire, et qu'ayant mérité l'enfer, je n'aurais pas sujet de me plaindre. Quand je serais dans le purgatoire tout le temps que j'avais à vivre pour aller ensuite dans le ciel, car c'était toujours là mon désir. » Ce furent enfin les épîtres de Saint Jérôme, qui achevèrent l'ouvrage de son sacrifice. Elle lisait avec une extrême consolation les avis que ce père de l'Église donnait à toutes ces dames romaines, qui, pour s'y conformer, renonçaient courageusement à l'abondance de leurs richesses, et à toutes les délicatesses de leur âge, de leur sexe, et de leur naissance. Elle se proposa donc d'entrer dans le couvent dès qu'elle aurait dit à son père son dessein, car le lui déclarer, dit-elle, et prendre l'habit, c'était la même chose. J'étais si glorieuse, que l'ayant dit une fois, il me semble que je n'aurais pu consentir à me dédire. Dès qu'elle fut revenue chez son père, elle s'expliqua sans aucun détour, mais trouva dans lui plus d'opposition qu'elle n'avait prévu. Elle employa auprès de lui la médiation de quelques personnes, qui ne purent obtenir son consentement. Il aimait sa fille avec excès, et ne pouvait se résoudre à s'en séparer pour toujours. Mais Thérèse se défiait trop de son cœur pour s'exposer davantage aux illusions du monde qu'il avait déjà séduite. Elle observa l'occasion de s'échapper, et ne l'eut pas plutôt trouvée, qu'elle la saisit. Ainsi, sans se découvrir à personne qu'à l'un de ses frères qu'elle prit avec elle pour l'accompagner, et qu'elle avait aussi engagé à se retirer du monde, elle alla se renfermer dans le monastère de l'Incarnation d'Avila, où elle demanda l'habit religieux. Ce couvent était de l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, et avait été bâti par une duchesse de Médina Celi, 2 ans avant la naissance de Thérèse. Il est situé hors la ville, du côté du nord. Il y a une très belle église, de spacieux logements, un cloître magnifique et de beaux jardins. À peine Thérèse avait-elle 18 ans quand elle exécuta ce dessein. Comme ce n'était pas un amour de Dieu bien dominant qui la déterminait à ce qu'elle faisait, l'éloignement du monde et la séparation de son père se firent vivement sentir. La description qu'elle fait elle-même de l'état où elle fut alors, donne une idée bien terrible de ce qu'elle souffrait. « Il me semble, dit-elle, que sortant du logis tous mes os se déboîtèrent, et que mon cœur se déchira en 1000 pièces. » On peut aisément s'imaginer ce que la forte amitié qu'elle avait pour son père dut lui causer de violence, et quel cruel hommage fit à la nature un cœur aussi tendre que le sien. Thérèse fit choix de cette maison religieuse plutôt que d'une autre, parce qu'elle y avait une intime amie nommée Jeanne Suarez, et que d'ailleurs on y vivait avec régularité. En arrivant au monastère, elle dissimula si bien son agitation, que personne ne s'en aperçut. Elle y entra avec un air gai et un visage serein. Toute la communauté, qui ne savait pas ce qu'il en coûtait à sa raison pour paraître de si agréable humeur, la reçut avec beaucoup de joie, dans l'espérance que de si heureux commencements auraient des suites encore plus heureuses. Son père, qui la vit persévérer si courageusement, ne s'opposa plus à ce qu'elle voulait, et fit un sacrifice à Dieu de tous les mouvements de sa tendresse. Thérèse commençait le sien, éclairée seulement d'une foi pure, sans que les douceurs de la grâce répandissent la joie dans son cœur, mais elle ne s'arrêta point aux idées tristes qui l'effrayaient. Elle espéra toujours que Dieu n'établirait jamais mieux en elle le règne de son amour, que sur les débris de l'amour propre, et ne fut pas trompée dans sa confiance, car dès qu'elle eut pris l'habit, toutes ses frayeurs se dissipèrent, et toutes ses peines s'évanouirent. Il semblait que Dieu n'attendait que de lui voir exécuter ce qu'il lui avait inspiré pour la remplir de consolations célestes, et pour lui faire connaître combien il favorise une âme qui force ses propres inclinations pour lui plaire. Elle reçut en ce moment une satisfaction si parfaite de se voir religieuse, qu'elle n'en a jamais perdu le goût. Les pratiques les plus humiliantes de la religion devinrent ses délices. Lors, dit-elle, que je balayais dans la maison aux mêmes heures que j'avais auparavant employées au divertissement et à la parure, je me plaisais à penser combien j'étais heureuse d'être délivrée de ces vanités séduisantes. Et je sentais une joie si vive à me souvenir de mon affranchissement, que j'en étais surprise moi-même, et ne pouvais comprendre d'où cela venait. Cette révolution de sentiment qu'elle éprouva fit sur elle une telle impression, qu'elle demeura persuadée que, quand Dieu nous inspire quelque chose pour son service, les répugnances qu'on y ressent ne doivent jamais être écoutées, et que plus on les méprise, plus on en connaît ensuite l'illusion, si l'âme, dit-elle, se soulève et se trouve étonnée jusqu'à ce qu'on ait mis la main à l'œuvre, c'est notre Seigneur qui le permet ainsi pour rendre la victoire plus complète, le mérite plus grand, et la récompense plus abondante. Thérèse passa l'année de son noviciat dans une ferveur toujours égale, malgré les diverses incommodités que lui causa le changement de vie et de nourriture. Les occupations les moins propres à sa délicatesse ne la rebutaient point. Il y avait dans ce monastère une religieuse attaquée d'une si dégoûtante maladie qu'elle faisait horreur à voir, et toutes les sœurs l'abandonnaient comme si elle eût eu la peste. Thérèse se rendit assidue auprès d'elle, marquant la joie qu'elle avait de la secourir de toutes les façons et le peu de peine qu'elle trouvait à lui rendre toutes sortes de services. Pendant qu'elle était toujours fidèle à remplir les observances régulières, le démon fit de nouveaux efforts pour ébranler sa constance, car avant le temps de sa profession qui s'approchait, il lui vint quelques doutes dans l'esprit sur la faiblesse de son tempérament, dont ses infirmités continuelles lui apprenaient assez à se défier. Elle craignit de succomber sous les austérités de sa règle, et sentit chanceler sa résolution, mais un rayon de grâce lui découvrit le piège de l'ennemi, et se souvenant aussitôt des violents combats qu'à sa prise d'habit elle avait soutenus, et qui avaient été suivis de tant de faveurs du ciel, elle fit les vœux de son engagement à l'âge de 19 ans, avec une humilité courageuse, et fut ensuite si contente et si parfaitement détachée, qu'elle croyait, dit-elle, en certains moments voir tout l'univers sous ses pieds. Il n'y eut personne dans cette communauté qui ne lui témoignât de l'affection, et il eût été bien difficile de faire autrement et de ne la pas aimer, car elle avait toutes les qualités convenables à la société religieuse. Jamais elle ne murmurait ni contre les bizarreries des humeurs, ni contre la sévérité des pratiques, nulle aversion, nulle prédilection ne la divisait, et cette conduite lui mérita si bien l'estime de ses sœurs, qu'elle s'adressait souvent à elle, et la faisait dépositaire de leurs inquiétudes et de ce qui causait quelquefois entre elles de petits refroidissements de charité. Rien alors n'était plus admirable que sa discrétion et sa prudence, car elle n'entrait dans aucune de ces pitoyables émotions qui défigurent la beauté des maisons les plus ferventes. Peut-être ces injustes mesures qu'elle observa furent-elles aussi la cause du peu de justice qu'on lui rendit quelquefois, car les personnes vivement touchées de leurs intérêts ne s'accommodent pas de cette impartialité, et veulent toujours qu'on se déclare. Thérèse, qui déplorait incessamment les dissipations de sa première jeunesse, ne se lassait point d'en gémir, et quand elle avait accompli tant ses devoirs, elle employait le temps qui lui restait pour demander à Dieu ses miséricordes, de sorte qu'elle vivait dans une si profonde solitude, que quelques religieuses, à qui sa grande retraite ne plaisait pas, l'accusèrent de singularité. Elle se conduisit d'une manière si sage en cette occasion, qu'il ne lui échappa ni justification, ni plainte, elle ne mécontenta pas une de ses sœurs, et ne parut aussi mécontente de personne. Elle laissa croire sur sa grande retraite tout ce qu'on en voulut imaginer, même le soupçon qu'on en conçut contre elle qu'elle s'ennuyait dans son état. Cependant les mortifications qu'elle s'était imposées au-delà même des règles communes, la mirent enfin dans un tel épuisement, qu'elle en fut accablée, ses défaillances augmentèrent, elle sentit de violents maux de cœur, dont furent étonnés ceux qui la voyaient, elle eut de fréquents évanouissements où elle perdit connaissance, et plusieurs autres incommodités qui lui firent passer l'année d'après sa profession dans des souffrances continuelles. Elle supporta tous ces maux, possédant son âme dans sa patience, et bénissant toujours la main divine qui la frappait. On employait toutes sortes de remèdes pour la soulager. Sa communauté, à qui elle était extrêmement chère, n'oublia rien pour y réussir, et son père, qui ne l'avait jamais tant aimé, l'ayant fait voir à tous les médecins d'Avila, sans qu'il pût lui donner le moindre soulagement, la fit sortir du couvent, pour la mener dans un endroit où on lui faisait espérer qu'elle recevrait sa guérison, par le moyen d'une femme qu'on disait être fort habile. Thérèse prit avec elle, pour l'accompagner, sa bonne amie Jeanne Suarez. C'était une religieuse de grande vertu, et déjà avancée en âge. Comme dans leur monastère, quoique assez régulier, on ne faisait pas profession de clôture, leur sortie n'eut rien qui pût scandaliser les yeux du public. Elles sortirent sur la fin de l'automne, et les remèdes que devait prendre Thérèse, ne pouvant avoir leur efficace qu'au commencement du printemps, Soupère crut la devoir mener à la campagne chez sa sœur, pour leur donner à tous deux la joie de se voir, car elles s'aimaient passionnément. Ils s'arrêtèrent encore sur le passage comme la première fois, à la maison de son oncle, qui les reçut avec plaisir dans sa solitude, où il continuait à servir Dieu. De trouva sa nièce dans des dispositions qui réjouirent beaucoup sa piété, et lui prêta des livres capables de lui donner du goût et des facilités pour la prière, et qu'elle emporta chez sa sœur. Ce fut alors que Dieu commença à lui découvrir les trésors immenses de sa grâce, et lui fit goûter quelque chose de ces dons sublimes d'oraison qui l'ont si fort élevé au-dessus des voies communes, et l'ont si étroitement uni avec Jésus-Christ. Dans cette maison de campagne, où la solitude lui donnait les moyens de réfléchir sur les vérités divines qu'elle recommençait à goûter plus que jamais, elle éprouva combien le Seigneur est doux à une âme dégagée des liens de la vanité. Sa sœur n'épargnait rien pour lui rendre agréable le séjour de sa maison, et son amitié seule pour Thérèse eût été plus capable que toute autre chose de contribuer à son soulagement, si ses maux l'eussent moins accablé. Elle fut jusqu'au mois d'avril en ce lien, et lorsqu'au commencement du printemps les plantes eurent repris leur force et leur vertu, elle fut menée au village de Bègde, où demeurait la femme qui la devait traiter. On lui fit prendre pendant un mois des remèdes violents, nullement convenables à ses maladies, et de beaucoup trop forts pour la délicatesse de sa complexion. Thérèse en fut tellement abattue et fatiguée, que la fièvre la reprit, elle ne dormait ni nuit ni jour, toute nourriture la dégoûtait, ses nerfs commencèrent à se retirer, ce qui lui causa d'extrêmes douleurs, jusque-là, dit-elle, qu'il lui semblait qu'on lui arrachait le cœur avec des dents aiguës, et de plus, elle tomba dans une profonde mélancolie qui la dévorait encore plus que sa fièvre. Quand cette humeur sombre est habituelle et naturalisée au tempérament, on se plaît dans les noires idées qu'elle produit, mais quand elle vient par occasion et par excès dans un esprit où la joie fait sa résidence ordinaire, elle y cause de tristes ravages. Thérèse en fit l'expérience, mais comme elle était accoutumée à chercher sa consolation dans le fréquent usage des sacrements, elle s'informa s'il n'y aurait point par hasard dans un endroit si dépourvu, quelque homme éclairé qu'elle pût prendre pour son confesseur. Comme il n'y avait pas à choisir, elle prit le seul ecclésiastique qui s'y trouva. Ce prêtre avait de l'esprit, et quelques légères teintures de science. Dans les conversations qu'il eut avec Thérèse, il découvrit bientôt l'étendue de son mérite, et fut vivement touché de voir tant de piété solide dans une si jeune personne, car elle n'avait alors que 22 ans. Thérèse se plaisait aussi beaucoup avec lui, mais prenait plus de plaisir à l'entretenir de Dieu que d'autres choses, ce qui n'engageait pas moins l'ecclésiastique, car plus les femmes, dit-elle, ont de vertus, plus on sent de penchant à les estimer. Il prit enfin tant de confiance en sa pénitente, qu'il lui avoua que depuis plusieurs années il était scandaleusement en mauvais commerce avec une femme dont il ne pouvait rompre les chaînes. Thérèse était trop compatissante pour ne pas s'intéresser à son malheur, elle employa toutes les adresses de la charité, celles même de son esprit, pour démêler ce qui s'opposait à l'affranchissement de ce misérable, et ayant reconnu ce que c'était, elle l'obligea de lui remettre une petite idole de cuivre qu'il portait au cou par ordre exprès de cette femme, et dès qu'il l'eut quittée, il fut changé. Thérèse, qui n'ajoutait pas foi à ces sortes de choses, continua de faire à Dieu des prières aussi ferventes pour la persévérance de cet homme, qu'elle en avait fait pour sa conversion. Il passa le reste de sa vie dans la pénitence, et mourut en bon chrétien. Après qu'elle eut essuyé durant 3 mois toutes les ignorances de la villageoise empirique, elle revint à Avila beaucoup plus malade que quand elle en était partie, et alla descendre chez son père. On la mit entre les mains des médecins de la ville, qui n'en espéraient presque rien, et la regardait comme attaquée d'une fièvre éthique. Ces maux redoublèrent encore dans les opérations des remèdes, sans néanmoins affaiblir sa patience ni son courage. Le souvenir de l'histoire de Job, qu'elle avait lue dans les morales de Saint Grégoire, l'encourageait à souffrir, et elle se soutenait avec ces paroles, « Si nous avons reçu les biens de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi les maux ?» La fête de l'Assomption approchait, et, se sentant de plus en plus affaiblir, elle demanda les sacrements. Son père, par une tendresse mal éclairée, ne voulut pas qu'elle les reçût, il dit qu'elle serait effrayée par cet appareil, et que, connaissant la vivacité de sa ferveur, elle ferait des efforts pour s'y préparer, qui lui causerait des révolutions dangereuses à sa santé. Déjà 6 semaines s'étaient écoulées depuis son retour, lorsque le jour même de l'Assomption, pendant le redoublement d'un accès de sa fièvre, elle tomba dans une profonde léthargie qui lui ôta tout mouvement. Elle fut près de 4 jours de suite dans cet état, sans donner aucun signe de vie à tous les tourments qu'on lui fit souffrir pour la réveiller. Dans la crainte de la voir expirer à tout moment, on lui donna l'extrême onction, et enfin peu de temps après on ne douta plus qu'elle ne fût morte. Le bruit s'en répandit partout. On fit même un service pour elle dans un des couvents de son ordre. On avait creusé sa fosse dans son monastère, d'où quelques religieuses furent députées selon leur usage pour venir enlever le corps. Le père, qui se connaissait fort au battement du pouls, ne voulut jamais convenir qu'elle fût morte, et s'opposa seul à son enterrement. Enfin au bout de 4 jours elle revint, et se plaignit tendrement qu'on l'eût éveillée. Elle dit que, durant ce long évanouissement, Dieu lui avait montré la félicité des saints dans le ciel, et les supplices de l'enfer, et qu'il lui avait révélé beaucoup d'événements futurs, non seulement sur les affaires générales, mais sur la réforme particulière de son ordre. Les suites ont confirmé la vérité de ses prédictions. Dès que l'usage des sens lui fut rendu, elle redemanda les sacrements, elle fut confessée, et reçut le Saint Viatique. Elle demeura jusqu'à Pâques dans la maison de son père, où elle souffrit des douleurs très vives. Car au retour de son évanouissement de 4 jours, sa langue était restée tout en pièces des morsures qu'elle s'était faites, son gosier, où rien n'avait passé depuis longtemps, était si seconde, que, dans son extrême faiblesse, elle ne pouvait presque respirer ni seulement avaler de l'eau. Il lui semblait que tous les membres de son corps étaient disloqués. Un furieux étonnement de tête ne la quitta point, et toutes ses douleurs enfin se terminèrent à une paralysie universelle qui lui resta. Tant de maux, sans parler d'un extrême ennui qui l'accablait, demandait bien du temps pour la rétablir entièrement, mais dès qu'elle se crut un peu soulagée, elle voulut retourner à son monastère, sans que l'on pût l'en empêcher. Elle y fut tourmentée pendant 8 mois par des convulsions et des retirements de nerfs qui lui faisaient souffrir des maux incroyables. L'impuissance de se mouvoir était ce qui l'affligeait le plus, et lorsqu'elle commença peu à peu à se traîner sur ses pieds et sur ses mains, elle devint un peu moins triste. Elle ne fut cependant tout à fait délivrée de ses maladies qu'au bout de 3 ans, après avoir été inspirée de se recommander à Saint Joseph, à qui elle se reconnaît redevable de sa guérison. Depuis ce temps-là, elle conserva une dévotion si vive et si fervente pour ce grand saint, qu'en toutes occasions elle eut recours à lui, sans avoir jamais employé vainement son intercession, aussi n'a-t-elle rien oublié de ce qui a dépendu d'elle pour multiplier son culte, et pour engager tout le monde à faire l'épreuve de son pouvoir auprès de Dieu. Car avant elle, ce saint n'était presque pas connu parmi les peuples. Il est surprenant qu'après tant de lumière et de faveur divine, qu'après les dangers là la délivrance de tant de maladies, qu'en un mot, Après tant de grâces si particulières et si récentes, on en perd de sitôt l'impression et le souvenir. Cependant, dès que Thérèse fut guérie, sa piété se ralentit insensiblement. Beaucoup de personnes séculières l'avaient souvent visitée pour faire quelques diversions à ses souffrances, et continuèrent encore après son rétablissement, qui devait sans doute ajouter de nouveaux charmes à sa conversation, dont on ne se lassait jamais. Thérèse, touchée de l'empressement qu'on lui témoignait, s'imaginait y devoir répondre, et peu à peu sa politesse la menait plus avant qu'il ne fallait. Il est certain qu'elle s'était fait, sur la reconnaissance, des idées trop simples et trop générales, et que l'horreur qu'elle avait de l'ingratitude, lui causait quelquefois de dangereuses illusions, aussi les athées. Elle bien déplorait dans la suite de sa vie, « Oh quel aveuglement, mon Dieu, s'écrie-t-elle que n'ai-je été toujours ingrate au monde, et jamais à vous ?» Ainsi les conversations vives venant à se multiplier, les liaisons agréables se formèrent, le cœur s'amollit, et le goût de la prière cessa. C'en fut assez pour faire bientôt cesser la prière même, car sous prétexte que ses infidélités la rendaient indigne de s'entretenir avec Dieu, elle n'osait plus s'en approcher. Après avoir secoué ce joug, sous lequel elle se fut bien moins égarée, elle se livra tout à fait à la dissipation. Avant qu'elle eût franchi cette barrière, elle se sentait trop combattue par des sentiments opposés. L'oratoire et la grille la partageaient, l'un détruisait ce que faisait l'autre. Lorsqu'elle était au parloir, le souvenir des faveurs célestes venait mêler de l'amertume à ses joies mondaines, et lorsqu'elle était en oraison, les images des vrais plaisirs venaient l'y troubler et faire évanouir sa fermeté. Ce fut pour éviter ses agitations violentes et ses reproches secrets, qu'elle abandonna l'exercice de la prière mentale. Elle s'en abstint encore par une autre raison prise de sa sincérité même, qui lui tendit un piège en cette rencontre, tant il est vrai que les vertus morales, si la religion ne les dirige, ne suffisent pas pour nous bien conduire. Comme elle comprenait toute la malice de son égarement, elle s'imagina que dans une vie aussi dissipée que la sienne, c'était imposé au monde, que d'observer les pratiques des âmes les plus intérieures, car en la voyant si régulière au dehors, on lui croyait le cœur fort dégagé. Ainsi, selon son erreur, pour agir de meilleure foi avec Dieu et avec les hommes, ou plutôt, pour se mettre plus en liberté, elle devint entièrement esclave de ses désirs. Toutes ses liaisons indiscrètes étaient assaisonnées de part et d'autre de tant d'agréments, qu'elles devenaient de jour en jour plus difficiles à rompre. Chacun contribuait à rendre le commerce plus vif, à prolonger la durée des visites, et à former par conséquent de nouveaux obstacles au retour des réflexions. Cependant, comme les yeux de la divine miséricorde étaient toujours ouverts sur Thérèse, au milieu d'un entretien qu'elle eut un jour avec une personne dont la familiarité lui devenait plus dangereuse que celle de tout autre, Jésus Christ se présenta intérieurement à elle, accablée sous les tourments de sa flagellation, et lui faisant connaître combien cette conversation lui déplaisait, cette idée la retint sur le bord du précipice, mais ne fut pas suffisante pour l'en éloigner, ni pour la soustraire au péril. Car on lui dit, pour calmer ses scrupules, que les visites d'un homme que sa qualité distinguait si fort, loin de tirer à conséquence, lui faisait honneur et d'ailleurs il marqua lui-même tant d'empressement pour continuer à la voir, qu'elle n'eut pas la force de s'en défendre. Au seul souvenir de ces conversations séduisantes, elle en est encore effrayée quand elle en fait le récit. « Hélas, dit-elle, Seigneur, que ne puis-je rapporter toutes les occasions dangereuses que vous m'avez fait éviter lorsque j'y étais le moins attentive, et durant ces tristes années où je m'exposais à perdre tous les jours? Non, seulement votre grâce, mais en même temps ma réputation et mon innocence. Vous m'en avez délivré, mon Dieu, tandis que je faisais tout ce qu'il fallait pour me donner à connaître tel que j'étais. Vous cachiez ma mauvaise conduite, vous preniez soin de mettre au jour de petites vertus, si j'en avais quelques-unes, et de les faire paraître grandes aux yeux du monde, ce qui me conservait toujours la bonne opinion du public, car quoique mes vanités se laissassent quelquefois entrevoir, comme on remarquait en moi d'autres choses qui paraissaient bonnes, on avait peine à se persuader le mal. Une de ses parentes, ancienne religieuse du même couvent, lui donnait souvent des avis sur son peu de vigilance, mais elle s'en fatiguait et s'en ennuyait. Ainsi elle passait une année entière errant dans les voies de la vanité sans recourir à l'oraison. Lorsqu'elle était le plus dissipée, son père tomba malade. Elle sortit pour l'aller assister à la mort, et lui rendre tous les soins qu'exigeait d'elle le devoir et la tendresse. Il était toute sa consolation en ce monde. Elle le trouva qui s'affaiblissait beaucoup, et le servit au-delà de ses forces, car, dès lors, elle était sujette à ses maux de cœur et à ses vomissements qui la réduisirent pendant 20 années à des infirmités habituelles. Elle encouragea son père à souffrir par les motifs les plus pressants et les plus élevés. Le malade, ne se défiant pas qu'elle eût le cœur ailleurs occupé, l'interrogea sur les progrès de sa ferveur. Thérèse lui avoua qu'elle avait quitté l'oraison, sans néanmoins lui en découvrir la vraie cause, mais l'attribuant à sa santé languissante. Quand le moment d'une séparation si rude arriva, elle en fut extrêmement touchée, mais du moins son affliction la mit en état de réfléchir un peu plus sur sa conduite. Pendant le séjour qu'elle fit chez son père, elle avait pris son confesseur. C'était un religieux de Saint-Dominique, fort homme de bien, à qui elle découvrit toutes les dispositions de son âme, et ce directeur sage lui persuada de reprendre la pratique de l'oraison. Il lui fit si bien voir à quel danger elle s'était exposée en la quittant, qu'elle n'a jamais cessé de s'y appliquer tous les jours, malgré le silence de l'Esprit Saint, qui, durant 18 ans, l'y a tenu privée de ses lumières, et sans lui rendre le goût des dons célestes dont il l'avait autrefois favorisé dans cet exercice. Dieu l'avait prévenu parlant de grâce, et par de si touchants témoignages de son amour, qu'il n'est pas étonnant qu'après qu'elle l'eût oublié, il lui ait fait sentir les rigueurs de sa jalousie pour la purifier et la remettre en état de recevoir une nouvelle abondance de faveurs qu'il lui destinait, et qui surpassèrent de beaucoup celles qu'elle avait déjà reçues. Cette longue suite d'années où, pendant sa prière, elle a toujours trouvé le Dieu des consolations sourd à sa voix, nous fournit dans ses actions extérieures peu d'événements et peu de faits à rapporter, mais nous découvre dans son cœur une grande diversité de sentiments à décrire, et beaucoup d'opérations divines à admirer. Thérèse, après la mort de son père, était rentrée dans son couvent, résolue, à la vérité, de chercher fidèlement du secours dans l'oraison, mais nullement déterminée à faire divorce avec les compagnies mondaines. Comme le charme de la vertu ne l'entraînait point à la prière, et qu'elle y portait le goût des créatures dont elle ne pouvait se déprendre, elle y allait d'ordinaire comme au supplice, ou du moins elle y entrait avec beaucoup de répugnance et d'ennui. Dès qu'elle y était, Dieu lui donnait un grand sentiment de ses péchés, dont il lui faisait de vifs reproches, qui étaient suivis de beaucoup de larmes, et un moment après il l'abandonnait à son insensibilité, au désordre de ses pensées, et à la guerre de ses passions. Lorsque le temps de sa prière était fini, et qu'elle allait de nouveau se livrer aux amusements profanes, la voix de Dieu recommençait à crier au fond de son cœur, elle appelait d'un côté, tandis que de l'autre elle suivait la voix du monde. Elle dit, en racontant ses anciennes agitations, qu'elle est encore étonnée comment elle a pu résister à ces différentes attaques, et combattre aussi longtemps contre Dieu et la créature, sans se soumettre tout à fait à l'un ou à l'autre, durant 16 heures fixes et réglées qu'elle s'était inviolablement prescrite pour venir chercher à l'oraison la force et la lumière qui lui manquaient, l'Esprit de Jésus-Christ n'agissait sur elle que comme un Dieu jaloux qui se venge, et la laissait accablée sous le poids de ses misères. Mais en d'autres temps, et lorsqu'elle s'y attendait le moins, une clarté soudaine se répandait dans son âme, et lui montrait l'éternel amour de Jésus-Christ pour elle, la fidélité de ses promesses, et l'imposture des biens sensibles. Ses faveurs imprévues l'affligeaient au lieu de la consoler, et elle ne pouvait être en effet punie plus rigoureusement que par ses redoublements de tendresse. Elle dit qu'elle en était tourmentée, confondue, anéantie, et c'était le genre de supplice le plus cruel pour un cœur comme le sien. « Ô Dieu de mon âme, dit-elle, où trouverai-je des termes assez forts pour expliquer toutes les grâces que, dans le cours de ces années, vous me faisiez, en me disposant tout à coup par un grand repentir, et dans le temps que je vous offensais le plus, à goûter vos douceurs et vos caresses les plus familières? Il est vrai, Seigneur, que pour vous venger, vous vous serviez de la plus rude, mais de la plus délicate punition que vous puissiez exercer contre moi, et que vous saviez me devoir être la plus sensible. Car vous me punissiez de mes fautes par des familiarités encore plus tendres, cependant tout cela ne lui détachait pas le cœur, et les entretiens frivoles l'amusaient toujours. Ce qu'ils avaient de séduisant pour elle amollissait tellement sa vertu, qu'elle n'avait pas la force de se soutenir sur le penchant où elle était. Les remords les plus pressants lui offraient en vain la victoire. Ses résolutions les plus sérieuses et les plus fermes s'évanouissaient au moment qu'il les fallait mettre en usage. « Je retombais, dit-elle, dès le soir dans les fautes que j'avais le matin pleuré. Que vous avez de bonté, Seigneur, de souffrir avec vous une âme qui ne saurait souffrir que vous soyez avec elle zéro, que vous savez bien être ami, que de condescendance, que de faveur pour une créature que vous aimez. Vous attendez que peu à peu elle se fasse à votre humeur, et cependant vous supportez la sienne, vous lui tenez compte de ces instants d'amour qu'elle vous témoigne, et, avec un repentir d'un moment, elle vous fait oublier toutes ses offenses. La situation de Thérèse était assurément digne de compassion. Elle ne goûtait de joie pure, ni dans le commerce du monde, ni dans le service de Dieu. De quelque côté qu'elle se tournât, elle y portait un cœur partagé, que des sentiments contraires déchiraient, tantôt les remords suspendaient le cours de ses divertissements, tantôt les compagnies l'y rengageaient encore plus, mais, tant que durèrent ces vicissitudes d'égarement et de retour, elle ne quitta point l'exercice de la prière, malgré tout le dégoût qu'elle en avait, et tout l'ennui qu'elle en ressentait. « Quand j'allais, dit-elle, à l'oraison, la violence que je souffrais par mes méchantes habitudes, était si excessive, et au moment que j'entrais dans l'oratoire, la tristesse qui me prenait était si grande, que j'avais besoin, pour m'y contraindre, de tout mon courage, que l'on dit n'être pas petit. En effet, on a vu, dans les occasions, que Dieu m'en a donné beaucoup au-delà de mon sexe, mais par malheur je l'ai bien mal employé, c'était même son grand courage qui faisait son plus rude supplice, car il l'excitait à des efforts que Dieu laissait encore impuissants, afin de lui faire éprouver à quel excès de faiblesse ses infidélités l'avaient réduite. Pour bien concevoir le caractère de ses agitations et de ses peines, il faut cela représenter sous deux idées. D'un côté, c'est une jeune religieuse de 27 ans, éclairée dès l'enfance sur l'excellence de la religion, sur les grands objets de l'éternité, sur le néant des choses humaines, et dans la suite prévenue familièrement par les dons les plus sublimes de la grâce, et par les témoignages les plus sensibles de l'amour de Jésus-Christ. De l'autre, C'est une personne généralement estimée par les gens du meilleur esprit et du meilleur goût, dont elle fait l'empressement et les délices, ardente pour ses amis, tendre par excès à la reconnaissance, plus propre que nul autre à former des liaisons nobles et flatteuses, à les soutenir, à les animer, et aussi capable d'en faire tout l'agrément que de le sentir. Ce fut sur de telles dispositions que Dieu voulut exercer cette longue variété d'épreuves, qui donnèrent au cœur de Thérèse de si terribles assauts. Elle savait pourtant par mille expériences que l'âme est tout autrement émue par les vives impressions de la foi que par celles des sens. Lorsqu'elle les comparait l'un à l'autre, l'irrésolution de son choix l'accablait de honte, elle sentait, disait-elle, son esclavage, mais ne pouvait comprendre en quoi il consistait, car on ne lui faisait aucun scrupule de ses conversations amusantes, qui néanmoins lui ôtaient entièrement le goût des choses divines, et nourrissaient en elle ses sentiments de tiédeur. Il lui arrivait quelquefois d'être surprise que, durant le temps de sa prière, Dieu la laissa si désolée sans lui rien découvrir des trésors de sa vérité et lorsque dans la suite elle fait réflexion sur ce qui causait alors son étonnement. La plaisante manière, dit-elle, de prétendre à l'amour de Dieu. Nous voudrions tout à moins une heure le tenir entre nos mains, et garder en même temps toutes nos attaches, n'exécuter aucun de nos bons désirs, ne parvenir jamais à relever de terre notre cœur, et néanmoins être inondé de consolations spirituelles après toutes ces révolutions, où elle était toujours demeurée errant au gré des désirs qui la partageaient, elle se trouva enfin fatiguée de tant de vains efforts, qui n'avaient pu la faire parvenir au repos qu'elle souhaitait. Un jour qu'elle était plus qu'à l'ordinaire déchirée par ses remords et par ses passions, elle entra, selon sa coutume, dans un oratoire, et vit dans un coin un tableau qu'on avait emprunté pour quelque solennité prochaine. C'était une image de Jésus-Christ couvert de sang et de plaies. En y jetant les yeux, il lui vint aussitôt dans l'esprit, combien elle était ingrate à tous les tourments que son Sauveur avait endurés pour elle, et cette réflexion lui causa soudainement une si vive douleur, qu'elle crut, dit-elle, que son cœur s'allait fendre. Frappée par ce coup salutaire, elle se prosterna devant cette image, elle y répandit des torrents de larmes, et protesta qu'elle ne se relèverait point qu'auparavant elle n'eût obtenu la force de n'être plus infidèle à Dieu. Sa prière fut écoutée, elle se sentit en peu de moments plus de courage et plus de ferveur que jamais, et non seulement ne tomba plus dans ces grandes dissipations, qu'elle eut toujours depuis en horreur, mais fit des progrès étonnants en toutes sortes de vertus. Avant la fin de ces années orageuses, où la main du Seigneur se tenait sur elle appesantie, elle avait commencé de lire les confessions de saint Augustin. Elle y examina les rapports qu'il y avait entre les égarements de ce grand homme et les siens, mais se trouva beaucoup plus infidèle que lui, parce qu'il n'avait jamais quitté Dieu depuis le moment de sa conversion, au lieu qu'elle était retombée tant de fois. L'heureux instant où la grâce avait triomphé de ce saint docteur la touchait particulièrement, et cette voix qu'il entendit dans ce jardin lui paraissait frapper à ses oreilles. Elle s'y arrêta longtemps, les yeux tout baignés de pleurs, et lorsque dans la suite elle fait le récit de cet événement, et qu'elle se représente les révoltes de son cœur et les violents combats dont elle était alors agitée, « Ô grand Dieu ! S'écrie-t-elle, qu'une âme souffre quand il s'agit de perdre la liberté qu'elle a d'être toujours maîtresse d'elle-même que de tourments elle endure. J'admire encore aujourd'hui comment j'y pouvais réussir. Il semble que Dieu n'attendait, pour ainsi dire, que quelques démarches de sa part pour la remplir des dons célestes. Dès qu'elle revenait à Jésus-Christ, il revenait à elle, et les faveurs divines recommençaient et redoublaient. Elle s'en étonnait toujours, parce que Dieu, dit-elle, ne donne ordinairement ses grâces lumineuses qu'aux âmes qui ont acquis déjà une grande pureté de conscience. Ce fut donc d'abord après son divorce avec les compagnies qu'elle fut élevée à cette contemplation sublime dont elle parle dans l'endroit de sa vie, où elle décrit les différents degrés d'oraison par où elle est parvenue à de si hautes connaissances et à de si grands sentiments d'amour. Elle traite cette matière avec étendue, et fait une longue suspension à son récit, pour expliquer ses diverses opérations de l'Esprit de Dieu. Ce serait interrompre le cours de notre histoire que de rapporter ici tout ce qu'elle dit sur ce sujet, ou défigurer toute sa doctrine, que d'en faire simplement l'analyse. Il n'appartient pas à des profanes de parler le langage des saints, et d'entrer dans des mystères réservés aux âmes pures et choisies. De plus, il faut bien considérer par quel motif Sainte Thérèse écrivit sur ces sortes de choses. Elle le fit par ordre exprès de son confesseur, qui, voulant s'éclaircir sur les dispositions de son âme, dont les théologiens de ce temps la jugeaient fort différemment, l'avait engagé à lui faire un ample détail de tout ce qui lui était arrivé depuis sa naissance, et c'est pour satisfaire à cet ordre qu'elle nous a laissé sa propre histoire. Nous parlerons en son lieu du caractère de tout l'ouvrage, et nous nous contenterons de dire à présent qu'à l'égard de cette doctrine mystérieuse qui a été le sujet de ces longues digressions, elle déclare qu'on ne peut s'en expliquer nettement, ni se faire assez entendre, et que, quelque désir qu'elle ait de la bien développer, tout ce qu'elle en pourra dire sera toujours très obscur. Aussi, dans les avis qu'elle a laissés pour ses sœurs, elle les exhorte fort à n'avoir pas d'empressement pour cette lecture, plus propre souvent à nourrir des curiosités vaines, qu'à porter à la pratique des vertus, et à la mortification des sens. C'est pour cela qu'elle eût bien voulu s'exempter de ce travail. J'écris, dit-elle, à la dérobée et avec peine, parce qu'étant dans une maison pauvre, cela m'empêche de filer, et me détourne de mes autres occupations. Si l'on ne m'avait commandé d'écrire, au seul souvenir que je suis femme, la plume me serait tombée des mains. Tout ce que la sainte nous apprend de ces communications intimes qu'elle eut avec Dieu, passe l'intelligence humaine, mais du moins nous laisse juger que depuis qu'elle eut renoncé aux conversations dangereuses, la prière n'eut plus pour elle que des charmes et des douceurs, et que, du moment qu'elle y entrait, elle se trouvait abîmée dans les lumières et dans les délices. Cependant, le Seigneur ne lui accorda pas un repos fixe et inaltérable. Il y avait encore en elle des infidélités à punir. La jalousie divine s'était vengée des attachements un peu trop tendres qui avaient amolli Thérèse, par ses amertumes et ses ennuis qu'elle avait souffert dans l'oraison, durant 20 années. Mais cette âpreté qu'elle avait eue pour les lectures profanes qui l'avaient séduite, méritait aussi son châtiment. Ainsi Dieu n'ayant voulu donner la paix à son cœur qu'après lui avoir fait éprouver une cruelle guerre, il ne donna de calme à son esprit qu'après lui avoir fait essuyer bien des tempêtes. Tandis que Thérèse marchait à grands pas dans les voies de la sainteté la plus éminente, sans que rien fût capable de l'en détourner, elle commença de se sentir agitée par une humble frayeur que ces douceurs excessives qu'elle goûtait dans la prière, et que ces familiarités surprenant où Jésus-Christ daignait entrer avec elle, ne fussent des impostures du démon, qui la voulait détourner d'une plus utile et plus sérieuse application à demander à Dieu ses miséricordes. Elle fut violemment tourmentée de cette crainte, et pensa qu'elle ne trouverait de repos qu'après avoir consulté sur cela des gens habiles. Elle s'adressa d'abord à un gentilhomme de ses parents, nommé François de Salcède, qui faisait son séjour à Avila. C'était un grand homme de bien, et qui, quoique engagé dans le mariage, menait une vie intérieure. Thérèse le pria de conférer sur ses incertitudes avec un fameux directeur de la ville, de Gaspard Das, bon théologien, et célèbre par ses lumières et par sa sainteté. Ces deux personnes examinèrent mûrement toute cette affaire spirituelle, et après l'avoir bien approfondie, ils jugèrent que Thérèse était dans l'illusion, et voulurent un peu brusquement la faire renoncer à de légères imperfections qui ne paraissaient pas s'accorder avec ses dons sublimes dont elle était continuellement favorisée. Il est vrai qu'elle avait renoncé sans réserve à tous ces entretiens frivoles qui avaient si longtemps amusé son cœur, mais elle n'était pas indifférente à la conversation des gens d'esprit, elle s'y prêtait encore quelquefois, et n'en fuyait pas les occasions. Cela peut ne pas s'appeler une faiblesse et un partage dans les âmes communes, mais dans celles que Dieu traite avec autant de distinction qu'il faisait Thérèse, il est difficile de l'appeler autrement. Voilà ce qui fondait les doutes de ces personnes et des autres qui la croyaient trompée, car il y avait dans Avila de saintes âmes, beaucoup plus parfaites et plus détachées qu'elles n'étaient alors, à qui Dieu ne communiquait, point ces sortes de grâces extraordinaires. Une des plus sensibles mortifications que Thérèse ait jamais souffertes, c'est que les faveurs particulières qu'elle recevait de Dieu soient devenues publiques, et de n'avoir pu les retenir sous un éternel silence. Les uns s'en entretenaient pour la juger et la rassurer ensuite dans ses doutes, qui n'étaient pas mal fondés, car en ce même temps-là il était arrivé à quelques femmes de grandes illusions sur ces matières. Les autres en parlaient pour la blâmer. On disait qu'elle voulait passer pour sainte, et qu'elle inventait des pratiques nouvelles, quoiqu'elle n'accomplît pas encore sa règle, et qu'elle fût bien au-dessous de beaucoup de religieuses de la maison. Thérèse n'en voulait de mal à personne, et même justifiait ses accusateurs auprès de Dieu, lui représentant qu'il n'avait pas tort. Cependant ses deux amis, qui l'avaient pressée un peu plus vivement, s'aperçurent que leur décision l'avait effrayée, et lui conseillèrent avec prudence de s'adresser à quelqu'un des pères de la Compagnie de Jésus, très expérimenté sur les voies intérieures, et nouvellement établi dans Avila. Thérèse, à qui la grande réputation de ses pères avait déjà donné pour eux beaucoup de respect et de confiance, ne manqua pas de suivre ce conseil. Elle eut le bonheur de trouver un homme fort propre à ménager ses faiblesses et à guérir les plaies de son cœur. Aussi les lui découvrit-elle entièrement, et elle lui fit une confession générale de toute sa vie. Ce père ayant appris que jusqu'alors elle n'avait point eu de directeur fixe et assuré, lui inspira sagement de renoncer à de petites choses qui, n'étant pas des fautes essentielles, la retardait néanmoins beaucoup dans les voies de Dieu. De plus, il lui ordonna de méditer sur la vie et sur les mystères de Jésus-Christ, mais en même temps de résister à ses sentiments de joie qu'elle avait en priant, jusqu'à ce qu'il lui eût donné d'autres règles. Enfin il l'exhorta beaucoup à mortifier ses penchants plus qu'elle n'avait fait. Ses manières douces l'encouragèrent, elle prit les armes contre elle-même, elle s'abandonna sans s'épargner à toutes les rigueurs de la pénitence, et joignit à cela plus de recueillement, plus de silence et de retraite. La prudence de ce père parut en ce qu'il ne soumit point d'abord Thérèse à des lois trop dures. Il laissa quelque chose à faire à son zèle, il suivit l'œuvre de Dieu, il étudia le naturel et les habitudes de la personne qu'il conduisait, et peu à peu, sans prévenir les mouvements de la grâce, il la fit avancer davantage. Quoiqu'elle eût beaucoup de docilité pour ses conseils, elle dit pourtant qu'il lui imposait certaines pénitences qui n'étaient pas de son goût, mais qu'elle les faisait. Elle fut 2 mois à résister à l'impression de Dieu, suivant que son confesseur lui avait ordonné, mais plus elle combattait, plus Dieu la comblait de faveur. En ce temps-là, le père François de Borgia, provincial alors, et depuis général des jésuites, vint à Avila. Le confesseur de Thérèse lui persuada de consulter sur ses doutes ce grand homme, plus illustre encore par son généreux renoncement au monde et par ses connaissances dans les choses divines, que par les titres et par l'éclat de sa naissance. Elle fit en sorte qu'il la vint voir, et avec sa franchise naturelle lui découvrit le fond de son âme. Saint François de Borgia lui répondit sans hésiter que ce qu'elle éprouvait était véritablement l'opération de l'Esprit Saint. Il lui recommanda fort de ne plus résister à son attrait, de commencer son oraison par la considération des souffrances de Jésus-Christ, et que, si Dieu l'élevait à une contemplation plus sublime, elle ne s'opposa point à son mouvement. Elle fut très satisfaite de cette réponse, elle se prescrivit de plus grandes austérités qu'elle n'en avait fait encore, elle les pratiqua toute sa vie avec beaucoup de constance et de courage. La faiblesse de son tempérament ni ses infirmités continuelles ne l'empêchaient point de porter toujours un rude cilice, et elle ne se guérissait des plaies de la pénitence qu'en s'en imposant de nouvelles. Cependant, son confesseur ayant été obligé de s'éloigner d'Avila, elle en fut fort affligée, dans la crainte de n'en pas trouver un autre qui lui fût si convenable. Quand il partit, son âme se trouva, dit elle, comme dans un désert, éperdue, agitée d'alarme, et sans savoir où chercher du secours. Une de ses parents demanda la permission de la mener chez elle, aussitôt elle y consentit, afin d'avoir le moyen d'aller à la maison des jésuites pour tâcher d'y trouver un confesseur qui pût remplacer le sien. Elle eut occasion chez sa parente de faire amitié avec une dame veuve, d'une qualité distinguée, qui menait une vie sainte, et même était fort en liaison avec ses pères, auprès de qui elle logeait. Thérèse prit le confesseur de cette dame, et alla passer quelques jours chez elle pour voir plus commodément le jésuite qu'elle avait choisi. Il se nommait le père Balthazar Alvarez, c'était un religieux sage et très propre à tenir la place de celui que Thérèse avait perdu. Il reconnut aussitôt que, malgré les grandes grâces qu'elle recevait, et toutes les austérités qu'elle pratiquait, elle était encore faible et peu affermie dans la vertu, et remarqua que, par une certaine noblesse de sentiment, elle ne pouvait s'empêcher de témoigner beaucoup d'amitié à ceux qui en avaient pour elle, et comme il s'aperçut que cela n'était que trop capable de ralentir sa ferveur dans les choses divines, il lui dit que, pour contenter Dieu, il fallait lui sacrifier tout, et renoncer à toutes ses liaisons amusantes. Ce conseil lui parut sévère, et elle sentait beaucoup de violence à le suivre. La tendresse naturelle qu'il attachait aux personnes qu'elle voyait, la préoccupait de telle sorte, qu'elle ne croyait pas pouvoir honnêtement rompre ses engagements, et elle disait à son confesseur que, puisqu'il ne voyait point de mal dans cette sensibilité qu'elle avait pour ses amis, elle ne comprenait pas quelle raison il avait de l'en vouloir séparer, et de la faire passer pour inconstante et pour ingrate. Le père Alvarez lui dit de recourir à la prière, et de réciter pendant quelques jours l'hymne du Saint-Esprit, pour obtenir d'être éclairée. Elle lui obéit avec ferveur, et pendant cette prière pleurait amèrement ses attaches. Un jour, après avoir longtemps gémi selon sa coutume, Dieu tout à coup s'empara de son esprit plus fortement qu'il n'avait fait encore, jusqu'à lui ôter même presque tout l'usage de ses sens. Elle entendit au fond de son cœur comme une voix qui lui disait « Je veux désormais que vous n'ayez plus de commerce avec les hommes, mais avec les anges. » Ce peu de parole eut tant d'efficace, qu'elle se trouva déterminée sur l'heure à faire ce que bien des conseils et bien des efforts n'avaient pas eu le pouvoir de gagner sur elle. Et les résolutions qu'elle prit firent même beaucoup de bien aux personnes que leur conversation lui avait rendues si chères. Après tous ces divorces, Thérèse ne tenait plus aux créatures, et l'Esprit Saint, qui se plaisait dans cette âme parfaitement purifiée, ne cessait de la combler de ses faveurs, mais elle ne se trouva pas pour cela délivrée de ses peines. Cette don rare et sublime dont Dieu la prévenait à tout moment, servait à la critique et à la curiosité de bien des gens de vertu. On s'en entretenait dans les écoles et dans les conférences des théologiens, et quelques-uns même, par un zèle officieux, se mêlaient gratuitement et sans aveu de vouloir apporter remède à ce qu'ils appelaient des illusions. En sorte que 6 personnes qui faisaient profession de spiritualité par état, après avoir conféré ensemble sur les dispositions de la sainte, décidèrent qu'elle était trompée. Ils en parlèrent à son confesseur, et l'engagèrent dans leur opinion, du moins à faire semblant d'y être, pour pouvoir mieux, disait-il, éprouver la sainte. Le père Alvarez, qui était fort humble, se fiait peu à ses lumières, et souvent consultait d'autres sur les états de Thérèse, ce qui la mettait, et lui-même aussi quelquefois, dans de très grands embarras. Il fut donc résolu qu'elle communierait plus rarement, qu'elle vivrait moins retirée, et ne prolongerait plus ses oraisons au-delà du temps prescrit par la règle. Il n'en fallut pas davantage pour renouveler ses inquiétudes et ses frayeurs. Quand son confesseur lui eut annoncé cette décision, elle en fut pénétrée de douleur, et sans doute on la mettait dans une situation bien cruelle. Thérèse avait fait un sacrifice à Dieu, non seulement de toutes les liaisons qui pouvaient partager son cœur, mais encore de toutes celles qui pouvaient faire dans son esprit la diversion la plus légère, et dans le temps que Jésus-Christ, pour la récompenser de tant d'efforts, lui fait éprouver tout ce qu'il y a de plus vif dans les opérations de sa grâce, on l'oblige d'y renoncer, et on la réduit à tenir entre le ciel et la terre, sans objet et sans soutien, le cœur le plus sensible et le plus tendre qui fut jamais. Ce qui la touchait pourtant plus que toute chose, c'était de n'avoir pu soustraire à la connaissance des hommes ces mystères de miséricorde et d'amour qui s'étaient passés dans son âme. Et de voir les faveurs divines les plus secrètes exposées à la censure publique, et soumises à la discussion de l'intelligence humaine. Elle ne découvrit l'excès de sa tristesse à personne qu'au père Alvarez, qui l'aimait beaucoup, quoiqu'il eût pour elle des manières un peu sèches. Mais comment ne se fût-il pas impatienté quelquefois? On lui reprochait à tout moment qu'il avait trop de crédulité de s'arrêter à regarder comme solide et véritable tout ce que Thérèse lui disait de ses dispositions. Il avait de plus à répondre à tout ce qu'on lui objectait pour détruire la bonne opinion qu'il avait d'elle, et d'ailleurs il la fallait consoler sur tous ces bruits qui l'affligeaient, et travailler sans cesse à la calmer sur toutes ses frayeurs. Comme on ne pouvait lui défendre de gémir en secret, elle offrait à Dieu ses soupirs, et se plaignait tendrement à lui des calomnies qu'on faisait contre elle, et des persécutions qu'elle souffrait. Un jour qu'elle était fort occupée de son affliction, elle sortit de l'église, et se reliera dans un oratoire sans avoir personne avec qui elle pût soulager ses peines, incapable de lire ou prier. Dans une désolation totale, le cœur plonge dans l'amertume et dans l'ennui, et l'esprit agité de frayeur que le démon ne la trompe pas, est prêt à succomber sous le poids qui l'accablait, sans savoir que devenir. Elle demeura 4 ou 5 heures en cet état, sans recevoir de consolation ni de la terre ni du ciel, et abandonnée aux alarmes de 1000 autres peines qu'elle imaginait. En ce moment qu'elle était abîmée dans sa douleur, elle vit évanouir toutes ses peines avec ce peu de paroles qu'elle entendit intérieurement, « Ne craignez point, ma fille, c'est moi, je ne vous abandonnerai pas. Ô Seigneur, s'écrit-elle en cet endroit, qu'il paraît bien que vous êtes le véritable et le puissant ami, vous pouvez tout ce que vous voulez, et vous ne cessez jamais d'aimer ceux qui vous aiment. Que tous les êtres du monde vous louent, Seigneur. Oh, qui pourrait dire combien vous êtes fidèle à vos amis? Toutes les créatures peuvent nous manquer, mais, ô puissant maître des créatures, vous ne nous manquez jamais. Après avoir un peu laissé souffrir ceux que vous aimez, qu'est-vous les en dédommager délicieusement? Seigneur, et qui pourrait exprimer la tendresse et les charmes de votre retour, ou qui pourrait être assez heureux pour n'avoir jamais porté d'autres chaînes que les vôtres. Oh mon Dieu, que n'ai-je assez d'esprit, que n'ai-je un langage nouveau pour faire connaître vos merveilles comme mon âme les connaît. Tout me manque, Seigneur, mais pourvu que vous ne m'abandonniez pas, je ne vous manquerai pas moi-même. La joie fit couler des torrents de larmes, et elle ne pouvait admirer assez le soudain changement de son cœur, qui tout à coup se trouva dans une paix si profonde. Elle dit qu'à en juger par le déplorable état où elle était auparavant, elle aurait cru que, pour la disposer à la tranquillité, il lui aurait fallu plusieurs heures, et que rien n'était comparable à la force de ce peu de paroles qui lui donnèrent en un instant tant de courage, tant d'assurance, tant de calme et tant de lumière, qu'elle se sentit prête à soutenir contre le monde entier, que c'était Dieu véritablement qui lui avait parlé, que tous les savants, dit-elle, s'élèvent contre moi, que toutes les créatures me persécutent, que tous les démons se déchaînent pour me tourmenter. Je sais, Seigneur, que vous êtes le Dieu puissant et fidèle, et qu'après avoir fait tant de fois l'expérience de ce que l'on gagne à ne se fier qu'à vous seul, vous ne me manquerez en nulle occasion. Dorénavant, elle ne s'inquiéta plus des jugements des hommes. On continua néanmoins d'interpréter désavantageusement tout ce qui lui arrivait. On alla même jusqu'à dire qu'elle était possédée, et elle fut 3 ans à soutenir de la part des gens de bien 1000 sortes de railleries et de soupçons qui l'affligeaient à la vérité, mais qui ne la décourageaient point. Les dons célestes augmentaient toujours, et se répandaient sur elle dans une évidence qui la franchissait de plus en plus de toutes ses incertitudes. Cependant Dieu la soumit encore à une épreuve bien rigoureuse. Un religieux qui la confessait lorsque le père Alvarez était absent, lui dit un jour, par je ne sais quelle inspiration, qu'elle était assurément abusée, et que, sous quelque idée que Dieu pût se manifester à elle dans la prière, aussitôt elle ne manqua pas de s'en moquer, et de s'armer même du signe de la croix. Le commandement était dur, aussi lui parut-il qu'on lui enfonçait le poignard dans le sein. Peut-être tant de faux jugements que l'on fit sur son état doivent-ils s'attribuer à son peu de facilité de s'expliquer. Elle était la première à dire qu'elle ne pouvait se faire entendre quand elle parlait de ces effets purement surnaturels que Dieu a opérés en elle, et cela n'était pas surprenant, puisqu'elle-même ne comprenait pas comment cela se faisait. En parlant à son confesseur, à qui elle envoyait l'histoire de sa vie, « J'avoue en cela, lui dit-elle, mon ignorance et ma grossièreté, et cela fait bien voir que, quoi qu'il vous semble que j'ai l'esprit assez vif, je ne l'ai pourtant pas tel que vous pensez, car j'ai éprouvé en plusieurs rencontres que mon intelligence, selon le proverbe, ne se nourrit que de ce qu'on lui présente tout apprêté. Comme le père Alvarez fut quelques jours sans revenir, elle obéit à l'ordre qu'on lui avait donné, et le signe de croix lui paraissant une insulte sacrilège qu'elle faisait à Jésus-Christ, elle lui en demandait pardon quand elle le faisait. On vit par la suite combien le mérite de son obéissance était agréable à Dieu, car il ne cessa point de la remplir de ses dons les plus excellents, et lui promit qu'un jour la vérité se découvrirait, et que ceux qui jugeaient d'elle désavantageusement reviendraient de leur erreur. Cette promesse l'enflamma d'un nouvel amour encore plus ardent, et souvent il lui semblait que son âme s'allait séparer de son corps. Le désir de voir Jésus-Christ la dévorait tellement, que dans ses transports elle se croyait prête à expirer. Elle aimait à répéter ces paroles du prophète, « Mon âme soupire après vous, ô mon Dieu, avec autant d'ardeur qu'un cerf altéré cherche la source des eaux. » À ces mots elle se sentait emportée hors d'elle-même, et Dieu permettait quelquefois qu'elle ne pût se contenir devant le monde, afin que la vérité commençât à se découvrir. Toute l'éloquence humaine est impuissante pour exprimer la violence de ces mouvements, et l'on peut en juger par l'exemple que nous allons rapporter. Il est très célèbre dans l'histoire de sa vie, et comme il est des plus extraordinaires et des plus difficiles à représenter, nous ne changerons rien aux propres termes de la sainte, qui le rapporte elle-même. Dans l'excès, dit-elle, de ses désirs, il a plu quelquefois à notre Seigneur de me favoriser de la vue d'un ange assez petit de taille, mais d'une beauté admirable, et que ses yeux étincelants me firent prendre pour un séraphin. Il tenait à la main un large dard qui me paraissait être d'or, et portait à la pointe un peu de feu. Je sentais comme s'il me l'eût enfoncé dans le cœur à diverses reprises, et me perçant jusqu'au fond des entrailles, il me semblait qu'en le retirant il me les arrachait et les enlevait avec lui, et il me laissait tout embrasé d'amour pour Dieu. Elle ajoute qu'en ces occasions, la douleur qu'elle ressentait était si violente, que n'ayant pas la force de crier, elle était contrainte de laisser échapper quelques soupirs faibles et languissants, et que ces mots sont accompagnés d'une si excessive douceur, que l'âme la garde de désirer la cessation d'un mal si délicieux. Voilà sans doute un langage qui n'est pas tout à fait intelligible au commun des hommes, mais l'ignorance de l'esprit humain ne détruit pas la réalité des opérations divines, et dans le récit de ces mystères, il y a toujours de quoi suffisamment exciter dans les cœurs humbles et dociles le désir de se mettre en état de les pénétrer. C'est, dit la sainte, entre Dieu et l'âme un si doux commerce d'amour, que je supplie sa bonté d'en faire goûter les délices à quiconque croirait que je ne dis pas la vérité, car, après que cela était passé, quand j'en faisais le récit, personne ne comprenait rien à ce que je disais. On est surpris de l'entendre dire qu'après des faveurs de cette nature, elle retombait encore de temps en temps dans les mêmes incertitudes, et ne pouvait concevoir comment des sentiments si contraires pouvaient se rencontrer dans le même cœur. Lorsque les troubles revenaient, c'était pour elle un rude assaut, car toutes les grâces qu'elle avait reçues s'effaçaient alors de son idée, ou, comme si elles n'eussent été qu'un songe. Il ne lui en restait qu'un léger souvenir qui ne servait qu'à la tourmenter, et ses lumières s'obscurcissaient de telle sorte, qu'elle se laissait aller aux doutes et aux défiances sur tout ce qui lui arrivait intérieurement. Mais Dieu ne la laissa plus que peu de moments dans de telles agitations. Ce fut en ce temps-là qu'un jour, étant en oraison, elle se trouva, dit-elle, en un instant toute vivante dans l'enfer, et aussitôt elle comprit que Dieu lui voulait faire voir le lieu que les démons lui avaient préparé. Un auteur des plus solides rapporte cette vision dans un de ses ouvrages, et nous pouvons bien la rapporter après lui. Il y a, dit-il, en ces occasions deux choses qu'on peut mettre en doute. Un degré si la personne qui fait le récit est sincère. Deux degrés si ce n'est point une illusion de son imagination. Or, pour peu qu'on ait connaissance des ouvrages et du caractère de Sainte Thérèse, on ne doutera jamais de sa sincérité, et l'on aura de la peine à croire que des imaginations mettent les âmes dans un état aussi saint et aussi divin que celui où il paraît que Dieu la mettait par ses visions, et l'on ne se persuadera nullement qu'il ait voulu joindre tant d'effets miraculeux à des illusions fantastiques, ni fondée sur des chimères tant de solides établissements et tant d'œuvres éclatantes. Voici les propres termes de la sainte. L'entrée de ce lieu, dit-elle, me parut comme une de ces petites rues longues et étroites qui sont fermées par un bout, ou comme un four fort bas, fort obscur et fort serré. Le terrain, ce me semble, était d'une eau bourbeuse et sale, d'une odeur empestée, et pleine d'un grand nombre de reptiles venimeux. Au bout de cette petite rue était un creux fait dans le mur en forme de niche où je me vis mettre fort à l'étroit, tout ceci encore n'est que mal ébauché, et cet aspect, tout affreux qu'il paraît, était un charme en comparaison du sentiment intérieur. Ce tourment était si terrible, que tout ce qu'on en saurait dire ne peut en représenter la moindre partie, je sentis mon âme brûler dans un si horrible feu, qu'à peine pourrais-je le décrire tel qu'il était, puisque je ne saurais même le concevoir. Quoiqu'au rapport des médecins j'ai éprouvé les douleurs les plus insupportables qu'on puisse endurer en cette vie, ajoutez à cela une certaine agonie de l'âme, un serrement de cœur, un accablement, un ennui, un désespoir si épouvantable, que j'entreprendrai en vain de l'exprimer. Ce n'est pas l'âme qu'on déchire par une violence étrangère, c'est elle-même qui se déchire, qui s'arrache et se met en pièces. Comment pourrais-je exprimer ce feu intérieur et cette espèce de rage spirituelle dont l'impression se faisait en moi, sans que je connusse par qui, mais je me sentais toute consternée, tout hachée en mille pièces. Elle ajoute que, si elle ne peut pas dire comment tout cela se passa, elle comprit bien néanmoins que c'était une grande grâce que le Seigneur lui avait faite, afin qu'elle vît de ses propres yeux d'où sa miséricorde la retirait. Elle dit que le récit de ses tourments n'est rien, et qu'il est impossible de les décrire, et que, bien qu'il y ait près de 6 ans que cela lui est arrivé, dès qu'elle s'en rappelle le souvenir, elle est saisie de frayeur, et prête à tomber en défaillance. Depuis ce temps-là tout lui parut facile dès qu'elle le mesurait aux peines de l'enfer, dont les livres et les discours des hommes lui avaient donné des idées si faibles et si peu proportionnées à ce qu'elle avait éprouvé dans cette occasion. « À quoi pensais-je, mon Dieu ? » s'écrie-t-elle, « lorsque je me laissais enchanter aux fausses joies du monde, et comment pouvais-je prendre du plaisir à des choses qui me conduisaient à ce lieu funeste et dans cette affreuse demeure pour toujours ? » La Providence divine lui avait envoyé fort à propos Saint-Pierre d'Alcantara pour la tirer entièrement de ses perplexités, et pour en effacer toutes les traces dans son esprit. Ce saint vint à Avila comme commissaire général de son ordre et visiteur de cette province. La même dame qui avait fait connaître les pères jésuites à Thérèse, voulut lui faire connaître ce grand homme, et, sans en rien dire à notre sainte, elle demanda au père provincial des Carmes la permission de le mener chez elle pendant 8 jours, afin que l'homme de Dieu pût lui parler et l'examiner plus commodément. Thérèse lui fit grande pitié lorsqu'elle lui raconta toutes les contradictions qu'elle avait souffert de la part des gens de bien et des docteurs. Il lui dit que c'était une des plus grandes peines de cette vie, et lorsqu'il eut étudié avec application les diverses dispositions de la sainte, il les approuva si fort, qu'il déclara qu'après les vérités de la foi, rien ne lui paraissait plus certain que cette âme était conduite par l'Esprit de Dieu. Il fit donc tout ce qu'il fallait pour la rassurer, mais il ne laissa pas de lui annoncer qu'elle n'était pas au bout de ses peines. Thérèse fut ravie qu'un homme de cette importance et d'une si grande lumière eût ramené le calme et l'assurance dans son âme. Pressée du désir de se donner à Dieu plus qu'elle n'avait fait jusqu'alors, elle s'engagea par un vœu à faire en toute chose ce qu'elle connaîtrait être le plus parfait et le plus agréable aux yeux du Seigneur. Il y eut dans ce vœu un grand excès d'amour et de courage, toutes les vertus les plus héroïques de la religion, tous les exercices les plus nobles de la piété en sont les suites, car c'était s'engager à donner toute son attention pour n'avoir que des idées pures et célestes, pour ne parler que du royaume de Dieu, et pour consacrer ses moindres actions à sa gloire. Elle observa fidèlement ce vœu pendant 5 années, mais ses confesseurs et ses supérieurs, jugeant qu'il pouvait avoir un grand nombre d'inconvénients, l'en relevèrent au bout de ce temps-là. Cette vue terrible de l'enfer lui revenant sans cesse dans l'esprit, elle forma en elle-même un autre plan de vie, et la résolution de se séparer entièrement du monde. Elle était sur cela dans une agitation continuelle, sans trouble néanmoins et sans inquiétude, et ce qui lui avait de douceur dans ses nouveaux désirs lui persuadait que de si justes sentiments avaient pour principe une inspiration divine.